bed all my life. Don't drain your monkey, see, relax. Mon pat, mon dé, bon Dieu, too much. Seulement your monkey comprend love. Si m'a gon problème médical. La pibe même la toujours là. Avem, avem. La vie pas compliquée, pas c'est ça. C'est joigne yon moun ki ka campé là. Là, nous trahis, nous tribulations, nous caillons. Pour nous vivre ensemble, so what? Ça m'a dit de nous, so what? So what? Ah, nous trahis, nous tribulations, nous caillons. On a vivre ensemble, so what? Ça m'a dit de nous, so what? So what? You made a promise, ou pas j'en quitte. Si y'a ni cap passé, moi y'a la vie pour chérie. Combien t'as crédé, fais nous limiter. C'est pas que sur ma mété, mais si je dis à décider. Shake it.